les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est à la fin des années 80, en Lady Palace de la série télévisée de Jean-Michel Ribes, que le public découvre Valérie Lemercier. Elle connaîtra ensuite le succès avec ses spectacles seule en scène, débutera au cinéma avec Louis Malle et sera à l'affiche de comédies à succès comme Les Visiteurs, avant de passer elle-même de l'autre côté de la caméra en tournant un remake du Quadrille de Guitry pour son premier long métrage. Comédienne, réalisatrice, mais chanteuse aussi, distinguée plusieurs fois par des Césars et des Molières pour ses prestations à l'écran et ses one-woman shows, Valérie Lemercier est ce que l'on peut appeler une comédienne populaire. « Rien ne vaut quelque chose de drôle », dit-elle. Mais à quoi pense une comédienne qui avoue n'avoir d'autre ambition que celle de faire rire le public ? À quoi pense une humoriste qui, comme elle, n'a jamais lorgné du côté de l'actualité, du social ou de la politique pour chercher le rire de ses spectateurs ? Quels sont les ressorts des rires qu'elle déclenche ? C'était au fond ce que proposait de découvrir Brigitte Lefèvre en invitant Valérie Lemercier dans son émission « À quoi pensez-vous » en 2009, une émission diffusée la première fois le 21 février de cette année-là sur France Culture. Bonjour, à quoi pensez-vous ? Une émission, une rencontre proposée par Brigitte Lefèvre. Aujourd'hui, Valérie Lemercier, actrice, réalisatrice, scénariste, chanteuse. Bonjour Valérie Lemercier. Bonjour. Alors, à quoi pensez-vous, enfant, lorsqu'on vous demande... Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Je savais pas qu'il y avait un métier qui existait, enfin que faire rire les gens était un métier, mais c'est ça qui me plaisait. Donc quand j'étais petite, c'était de faire rire mes proches qui me rendaient heureuse. Et puis après, j'ai voulu faire de l'équitation et je pensais faire ça comme métier, m'occuper de chevaux, de voilà. Et puis après, à 15 ans, je suis entrée au conservatoire de Rouen. Donc là, je savais qu'il y avait un métier. C'était pas de faire rire, mais enfin, il y avait un métier, en tout cas, de théâtre, voilà, qui existait. Alors, je crois que vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs aisés. Moi, j'ai vu ça, mais agriculteurs aisés. Alors, Mathieu, ça veut dire quoi, agriculteurs aisés ? Qu'ils ont un peu d'argent, quoi, qu'ils ont de... Bah, que c'était des grosses fermes avec des hectares de... Voilà, c'était... Agriculteur aisé, oui, enfin, je ne sais pas, peut-être que ça me fait rire. Comme, oui, ça vous poursuit, parce que moi, en préparant l'émission, je dis, parce que c'est intéressant toujours, Valérie Lemercier, de savoir comment ça a commencé, quel était le milieu, quel était. On a eu beaucoup d'invités, à chaque fois, c'est assez surprenant. Il y a beaucoup de gens qui sont de ce métier, mais pas forcément. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Parce que. Ils avaient une grande ferme, et voilà, on faisait des pommes de terre, du maïs, du lin, du blé, il y avait les moissons, il y avait les saisons avec les choses qui poussent et qu'on récolte. Vous participiez à la vie de... Oui, on travaillait. Il y a d'ailleurs un personnage de mon spectacle, même du dernier, là, qui travaillait là, chez mon père. Donc, oui, on travaillait l'été, on travaillait pour gagner de l'argent de poche et on n'était pas du tout à l'écart de la vie de la ferme, en tout cas. Et vous avez jamais eu envie, ou vos sœurs, de continuer ? Enfin, vous non, la preuve, on voit bien que c'était pas... Non, mais non, personne. Personne ? Non. Mon père a eu 4 filles, enfin mes parents, donc c'est plutôt un métier d'homme quand même, agriculteur. Alors, vous êtes allé, vous dites que vous êtes allé au conservatoire, je crois que vous étiez très jeune, vous aviez 15 ans. Est-ce que c'est... qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? Je sais pas, quelqu'un m'a dit, je sais pas exactement comment c'est venu, mais on pouvait s'inscrire, il fallait passer donc 3 fables, ou je sais pas, un poème, une fable, enfin bon. Voilà, et puis je m'étais inscrite et j'avais été reçue, ce qui m'avait fait plaisir. J'avais l'impression d'avoir une petite chose à moi, parce que j'ai fait du violon quand j'étais, on jouait toutes d'un instrument, donc j'ai fait du violon, ça me plaisait pas du tout. J'avais demandé comme cadeau d'anniversaire d'arrêter le violon. J'étais pas du tout, j'avais pas la patience de. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une section au théâtre et ça me semblait plus dans mes cordes, on va dire. Donc j'étais contente d'avoir. Et pendant le lycée, j'étais tout le temps fourrée au cours de théâtre. Enfin, plus dans vos cordes que le violon finalement. Oui, d'une certaine manière. Oui. Mais alors, en fait, avant, vous avez été collégienne. Ou en même temps que les jeunes, ça démarre un peu. Enfin non, avant et puis au lycée. Voilà, après le lycée. Et alors, évidemment, est-ce que c'était marqué sur votre livret, fait rire ses camarades ? C'était pas marqué, mais certains professeurs supportaient pas. Ils disaient que je, voilà, pratiquement sans rien faire, ça, il y avait un petit problème avec moi. Donc, même parfois, sans avoir rien fait du tout, rien commencé, on me jetait de la salle. Je sais pas. Alors, il y avait des professeurs qui trouvaient ça amusant et d'autres. Pas du tout. Donc j'étais souvent prise en grippe ou bien aimée, mais c'était jamais très neutre. Et voilà, je faisais un peu rire mes camarades. Bah vous le faisiez exprès, ça vous amusait, c'était une énergie aussi. Oui, mais aussi. parfois c'était involontaire et c'était j'ai des souvenirs de ça, d'arriver avec de m'installer, d'être tout de suite mise à la porte. Donc j'aimais pas beaucoup l'école, je comprenais, je sais pas pourquoi, je ne croyais pas, j'avais du mal à comprendre même la forme de la France jusqu'à ce que j'ai vu la photo satellite où j'ai en effet réalisé que ça avait la forme des dessins qu'on avait. Je voulais jamais croire ce qu'on nous disait, voilà. Je sais pas pourquoi. Donc j'avais ma propre réalité. Alors, quand vous entrez au conservatoire, j'y reviens, donc c'est à Rouen, je crois. Valérie Lemercier, vous avez donc passé ces petites fables, enfin vous avez présenté ces fables, c'est assez souvent d'ailleurs que dans les cours, on demande des fables de La Fontaine. Vous vous souvenez laquelle ? Non. Mais après, j'écrivais des fausses fables de La Fontaine. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est plus d'écrire que de. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est ce que je fais en ce moment. Voilà, j'aime bien interpréter des choses que j'écris. Enfin, par exemple, les fables de La Fontaine, assez vite, j'en ai fait des fausses parce que je voyais là où, enfin, voilà, ce qui pouvait être comique dans le. Donc, je m'en souviens. Vous êtes allé aussi après assez rapidement pour suivre un petit peu votre itinéraire comme ça au départ, en tous les cas. Vous avez donc été à Paris assez rapidement, c'est ça ? À 18 ans. 18 ans, donc effectivement les études là, elles étaient un peu derrière vous. Vous avez passé votre bac d'abord ? Non, ça c'était à Rouen. Je l'ai raté. Je devais passer l'oral et mes parents, enfin toute ma famille était accidentée ce jour-là et voilà, bon, je l'ai pas eu. Ma mère m'a acheté un livre. Que faire sans le bac et formidable. Et en fait, moi, je voulais absolument pas aller encore à l'école, absolument pas aller à la fac. Je suis complètement, même maintenant, je serais totalement perdue. J'ai besoin d'être très encadrée, je serais à la fac, pas obligée d'y aller dans un amphi avec 500 étudiants. Enfin, je sais pas, c'est des choses qui m'angoissent. Moi, quand je suis arrivée au lycée, c'était des grèves. Et je me suis retrouvée dans cette ville qui était quand même, je venais quand même d'un village et sans emploi du temps, sans horaire, pensionnaire, donc en étant obligée de dormir là. C'était totalement je savais pas quoi faire de ma personne. J'ai peut-être parce qu'on a eu une éducation assez sévère et tout à coup d'être libre. En fait, c'est des choses qui ça m'angoisse. Donc, vous aimez pas l'école, vous nous le dites. Enfin, vous n'aimez pas, c'est pas votre histoire, quoi. C'est pas là-dessus. Vous allez puis peut-être rester assez longtemps. Non. Non. Ça, on peut rester assez longtemps pour vous. Oui, c'est pas si on lit un livre qui vous. À l'école, je veux dire. Non, non, mais c'était à la limite, ça va à l'école quand on est petit et qu'on est très cadré. Mais c'est après le truc de pouvoir décider ou pas d'y aller et de. Là, c'est trop compliqué pour moi. C'est trop vaste, voilà. Donc, en fait, moi, j'aime bien être enfermée, voilà. Vous allez donc à Paris, et puis vous avez tenté le conservatoire ou pas du tout ? Oui, que j'ai raté. Vous avez raté, finalement, ça vous a réussi ? Je sais pas, mais je l'ai raté. J'ai raté tout, le cours Florent, la rue Blanche, voilà. Et puis j'ai attendu 5 ans. Avant de travailler vraiment et de gagner ma vie avec mon métier. Donc, j'ai fait des tas de petits boulots. J'ai vu ce que c'était que la vie. Ce qui est probablement plus formateur. Mais donc voilà, donc j'ai pas du tout suivi le truc de cours de théâtre et de voilà, j'ai pris quelques cours, mais je travaillais quoi pour gagner ma vie. Oui, mais alors justement, vous dites que vous avez besoin d'être encadré, presque dans une espèce de cadre très très précis. Là, vous vous retrouvez justement pas du tout dans ce cadre-là, parce que vous êtes un peu vous-même inventé ce que vous allez faire. Mais non, là, je travaillais. Là, à l'époque, je travaillais pour gagner ma vie, donc j'étais tout à fait encadrée. Et après, je pense le jour où j'ai décidé de faire un spectacle toute seule, avant même de l'avoir fait, mais après, c'est allé très vite. Parce qu'après, j'ai joué dans Palace. Après, c'est ça qui m'a donné la... J'étais engagée dans Palace pour faire des petites broutilles. Et puis, ça me plaisait pas. Et j'aurais pu m'en contenter, me dire c'est pas mal. Je suis allée voir Jean-Michel Ribes. Je lui ai dit, je veux pas mettre la dame de dos qui marche. Je préférais vendre des parfums au Galeries Lafayette. C'était plus intéressant. Oui, mais alors, je lui ai dit, voilà, je m'en vais. Et voilà, donc il m'a dit, mais non. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses pour lui dans Palace. Et c'est avec ça que j'ai démarré, par exemple. Vous avez aussi démarré. M'as-tu vu, c'est quoi ça? M'as-tu vu? Vous avez fait une... Non, c'est avec Rib, c'est deux. Jean-Michel, on y bosse. Une phrase dans un téléfilm. C'est comme ça qu'il m'avait vu et qu'il m'a choisi pour aller dans Palace. Une phrase, il vous a choisi. Bien, bravo Jean-Michel Rib. Mais c'est super, oui. Donc vous avez fait ça, et puis après, ça va. Est-ce qu'on peut dire que ça va relativement vite? Mais il y a une chose à laquelle je pense, à mon tour, c'est. Vous avez parlé du texte tout à l'heure, Valérie Le Mercier. Le texte est très important pour vous. Comment vous pouvez le décrire, ça? Ah ben, c'est pas très important. C'est le principal. Je dirais que jouer, c'est pas difficile. Si c'est... Alors, je vais me passer la pommade, mais si c'est bien écrit, enfin, si ça écrit comme ça me plaît, c'est-à-dire avec des surprises, si ça ne se voit pas que c'est écrit, si c'est... voilà, c'est la seule façon de... voilà, et après, jouer, c'est vraiment rien. Là, quand est-ce que vous avez d'abord commencé à écrire Les Petites Femmes de La Fontaine? Et puis, comme ça, c'était... Et puis, voilà, j'écrivais des petits livres, j'écrivais... puis après, j'ai écrit un premier spectacle, et puis un deuxième, et puis, enfin, voilà. Mais c'est ça qui m'intéresse le plus, et si les gens rient, c'est pas parce que c'est bien joué, je pense que c'est parce que... ce qui est écrit ressemble à quelque chose qu'on connaît, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est tant mieux si personne ne me parle jamais de ça, de l'écriture. Mais c'est, je pense, le principal et le principal est de qu'on ne s'aperçoive pas que c'est écrit, voilà. Oui, mais en même temps, vous dites que personne ne parle jamais de l'écriture, mais on sent bien quand même que c'est l'architecture de vos spectacles. Oui, mais les gens, ils disent, oh là là, ce personnage, il est marrant, sa façon de bouger, sa façon... Voilà, mais c'est vrai que... ce que je veux dire, c'est que le plaisir, le mien, celui que j'ai sur scène, est plus un plaisir d'auteur, bizarrement, qu'un plaisir d'actrice. Mais oui, je comprends ça. Mais en même temps, quand on vous voit, moi j'ai vu, bien évidemment, comme plein de gens, votre dernier spectacle, là, au Palace... Donc on va plus vite, on suit pas l'itinéraire, on y reviendra ou pas, vous verrez ce que vous voulez. On ressent ça parce que d'une certaine manière, enfin je vois mal qu'une actrice comme vous, en plus qui vous met en scène, enfin vous mettez pas, il y a Brigitte Buc aussi qui participe Brigitte à l'écriture. Brigitte Buc, on écrit ensemble. Vous écrivez ensemble, toutes les deux. Mais vous mettez en scène. Oui. Donc vous mettez en scène et autres. Et en même temps, on n'a pas l'impression, enfin, c'est ni une critique ni un compliment, c'est un constat, pour moi c'est un compliment quand même, que vous cherchez à plaire, quoi. Je veux dire que vous avez une attente du public, il y a sûrement quelque chose qui se situe autrement, mais il n'y a pas une espèce d'attente du public, vous êtes dans l'action et dans les mots. Vous ressentez ça ou pas du tout? À la limite, ça nous regarde nous, mais pas vous. Si vous voulez dire de les brosser dans le sens du poil ou de faire ce que les gens attendent, ça non. Je fais ce qui moi me fait rire, etc. Ce qui après peut surprendre ou ce qui est vrai, c'est que je ne leur adresse pas la parole, je ne leur parle pas, je leur raconte pas des recettes de cul. Enfin, je sais pas, je reste, ça reste du théâtre malgré tout. Donc je suis dans mes personnages desquels je ne sors pas. Et la connivence, elle est à la distance du théâtre, quoi. C'est pas, je fais pas du stand-up, je leur parle pas des courses que j'ai fait cet après-midi ou j'en sais rien. Voilà, ça, c'est des personnages. Il y a que ça qui m'intéresse, c'est d'en faire plusieurs, que ce soit des personnages qui sont tous loin les uns des autres et qui parlent d'aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je les filme pas, que je les sors pas du théâtre. C'est fait pour être joué dans l'instant. Et je pense que deux ans Après, certains gardent, certains que je reprends parce qu'ils me semblent nécessaires, mais il y en a plein qui dégagent, et puis tant mieux, et puis c'est comme ça. C'est... Et est-ce que vous savez, maintenant, après quand même plusieurs années passées à faire ce travail, à chercher, à écrire, est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez que vous savez ce qui fait rire le public ? Ben, c'est très intime, je pense que c'est simplement ce qui vous fait rire, vous. Moi, enfin, en même temps, il y a des choses qui me font rire et qui n'ont jamais, là, en 3 mois et demi de Palace, fait rire personne, que je garde quand même des petits mots, des petits trucs. Mais en général, si ça me fait rire, ben, ça, voilà, parce que moi, je répète pas, je ne rôde pas les spectacles en province, avant ou ailleurs, j'y vais comme ça. Et j'ai de la chance jusqu'ici, pour ces 4 spectacles, les gens, ça les amuse. Donc, je me dis, si ça me fait rire moi, ça a des chances de faire rire d'autres gens. Vous avez l'air étonné. Non, je suis heureux. Je vous vois tout à coup si différent. Au fond, vous êtes très gentil. Chut, faut pas le dire. Pourquoi ? Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux. Vous donnez rudement bien le change. Moi, je suis comédienne. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se proposer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. Des chichis, je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'antiquineuse. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma que les puissances, être soi-même, c'est interdit. Pour se donner de l'importance, il faut bluffer sa réussite. Sur mon visage, je me compose un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon corps. Ce n'est rien que pour l'apparence qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Valérie Lemercier, vous avez reconnu bien sûr. Oui, hein. Yvonne Printemps, mais je suis ravie d'entendre ça parce que je l'écoutais tout le temps il y a longtemps. Donc... voilà, je sais pas, j'ai dû perdre le disque. Mais écoutez, on va trouver un système. Ouais. Alors, donc, effectivement, c'est les 3 valses, hein. Je crois que c'est la saison d'amour. Enfin, elle va trouver l'amour. Ça, ouais. Ça fait vraiment plaisir d'imaginer ça. Mais ouais. Enfin, je ne suis pas ce qu'on pense, je suis pas ce que l'on dit. Vous vous sentez concerné, sans vouloir faire un habile enchaînement, vous vous sentez concerné par ça? Pas forcément à ce que dit Yvonne Printemps, mais est-ce que vous voulez être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pas vous jouez parce que vous voulez être des autres? Je veux jouer pour amuser. Voilà. Il y a que ça qui m'intéresse dans la vie. C'est bien, c'est un beau projet. Rien ne vaut quelque chose de drôle. Pour moi, c'est la seule chose pour moi qui ait de la valeur. Même, je préfère un petit truc pour la télé que j'ai fait, qui est marrant, un petit truc de 2 minutes, pratiquement qu'un film entier où on passe sa vie. Voilà, j'aime. Voilà, si c'est pas drôle, ça ne m'intéresse pas. Je parle pas moi en tant que spectatrice. J'adore voir des films tristes. J'adore les. Voilà, j'écoute pas les chansons comiques, y a pas pire. Enfin bon, mais pour moi, c'est comme ça que je veux avancer. Je ferai pas un film dramatique pour avoir ma carte une bonne actrice. Ah oui, ça justement. Est-ce que vous pensez que pour être, c'est embêtant de faire rire pour être prise au sérieux? Non, mais je veux pas du tout être prise au sérieux, c'est ça. Ah, vous voulez pas être prise au sérieux? Non. Ah ben c'est ça qui fait la différence. Ah non, non, non, ça, non, oh là là. Vous n'aimeriez pas ça du tout, vous, c'est ça? Non, non, non, non, non, je veux pas. Et je suis absolument sûre que les acteurs comiques sont tout à fait capables de... Mais pourquoi faire? Ils sont capables d'aller jouer la tragédie, parce que c'est pas très loin. Mais, bon, pourquoi faire? Je veux dire, c'est pas... moi, ça m'angoisserait tous les soirs d'aller jouer... vraiment, même si je veux bien aller voir du Racine et du jeu, ça m'angoisserait d'être là-dedans, de baigner dans les pleurs. Et tout. Je peux pas. C'est pas, je suis pas faite pour ça. Donc, c'est pas votre histoire. Non, voilà, c'est le plaisir d'entendre les gens rire. Ça n'a pas de prix, ça. Alors, Yvonne Printemps, Guitry, vous-même. Oui. Donc, voilà, on va parler quand même de votre. Je crois que c'est votre premier film en tant que réalisatrice. Oui, oui, oui. Oui. Qui est absolument, alors là, formidable. Ah, mais merci. Ah, bah écoutez, voilà, c'est le moment de le dire. Parce personne ne l'a vu, vraiment. Ah, comment personne ne l'a vu? Non, non, bah, il a été vu très peu. Et oui, c'est un petit film, tout petit, quoi. Dans l'audience, quoi. En tous les cas, c'est un film, de mon point de vue, formidable. C'est ce que je pense à mon tour, je pense. Et évidemment, ce qu'il y a de très intéressant, c'est aussi cette manière dont, d'abord, les couleurs, l'espace entre les acteurs, à la fois, effectivement, c'est drôle, ça l'est pas. Il y a une certaine dérision, il y a une très, très grande élégance. C'est Daniel Toscan-Duplantier qui m'a demandé de faire ça. C'était une commande, ce que j'ai trouvé bien. Il m'a demandé de choisir parmi les pièces de Guitry, et j'aime beaucoup Sacha Guitry. J'ai choisi celle-ci, et je ne voulais pas mettre des napperons en dentelle avec des meubles et des tas de... Je ne voulais pas mettre de poussière là où il n'y en avait pas, et je ne voulais pas du tout refaire ce qui... Je n'avais pas vu l'original exprès, mais voilà, je pensais que c'était simplement des relations entre des personnages, et j'ai demandé à Pierre Le Tan de faire les décors, à Vincent Daré de faire les costumes, pour ajouter quelque chose justement d'assez... simple et fort et assez dépouillé. Alors après, de temps en temps, j'ai dû revoir une fois le film, je me dis, mais il n'y a rien. C'est juste, mais c'est, voilà, c'est un peu du théâtre, c'est un peu, en ça, c'est ouais. Enfin, voilà, il n'y a rien, c'est pas rempli de choses, c'est pas, voilà. Mais c'était une expérience intéressante de faire ça, et j'avais la chance d'avoir Sandrine, Guy Berlin, Castellito et André Dussolier, c'était charmant à faire. Et alors, l'élégance? L'élégance, il y a un esprit d'élégance, je trouve, chez vous, d'abord dans vos tenues, dans la manière dont vous êtes en scène, ce que vous avez choisi précisément pour votre premier film dont vous étiez réalisatrice. C'est quoi l'élégance pour vous? Vous pensez pas à vous... Non, aidez-moi là-dessus. Hein. Non, je sais pas. À quoi pensez-vous quand on parle de l'élégance? Trouve... C'est pas ça, c'est que je suis sensible aux apparences et je... Voilà, pour rien au monde, je sortirais en survêtement, même... Voilà, je sais pas, c'est important. Je suis sensible à ça chez les autres, chez moi, je pense qu'on est responsable de son apparence et que c'est même pas une question de moyens ni de, mais ça compte, voilà. La boîte, voilà. Je dirais que je passe peut-être plus de temps à fabriquer le costume de scène qu'à écrire. Enfin, j'exagère, mais c'est important. L'affiche, c'est important. Comment on présente ce qu'on fabrique et comment on se présente soi-même, qui on est. Donc, c'est être adapté, c'est avoir... c'est pas, évidemment, aller en robe du soir faire son marché, c'est pas du tout ça. Déplacé, hein. Mais c'est... voilà, c'est être bien dans des choses qui vous vont et qui... Peut-être que ça vient d'un complexe et que j'ai besoin d'amélioration. Je dis, c'est une phrase de Tchekhov qui dit que la beauté, c'est de l'ancienne laideur. Je trouve que c'est pas faux. Et que peut-être, voilà, c'est optimiste de se dire qu'on peut améliorer. Voilà, que c'est pas tellement compliqué de pouvoir être plus... Moi, je me suis toujours sentie, même quand j'étais plus jeune, je voyageais beaucoup, j'étais toujours frappée de voir les touristes avec des trucs, les poils et tout ça, enfin tout ce que les gens montrent. Et je me souviens, j'avais amené quelques petites robes et tout ça. Je m'apercevais que les rapports avec les autochtones, les rapports avec, en Inde, peu importe où d'ailleurs, se passaient toujours mieux quand tout était plus facile. La vie est plus facile quand on est bien habillé. Tout à l'heure, vous nous disiez, Valérie Le Mercier, vous parliez de votre manière d'être, votre désir aussi, votre plaisir à faire rire et à ne pas, justement, à pas développer l'esprit de sérieux, de bon. Parce qu'à la limite, vous pourriez faire ça. On voit vos spectacles, il y a une forme de, à la fois de distance, il y a ce texte qu'architecture, on y revient vraiment, votre travail d'actrice et de metteur en scène. Dernièrement, on a reçu à cette émission Bernard Faucroul, je pense que vous le connaissez, qui est directeur du Festival d'Aix, et qui nous a parlé avec beaucoup de conviction et de connaissance d'ailleurs de tout ce qui devrait, de son point de vue, et de, d'ailleurs c'est quelque chose que nous partageons à plusieurs, sur l'éducation nationale et la manière dont l'art ou la culture pourrait être intégrée. Bon. Comment voyez-vous précisément quelqu'un ou des personnes dont le plaisir est de faire rire? Parce qu'en fait, on parle de la musique est un art merveilleux, la danse, les arts plastiques, mais les acteurs, mais souvent, on vient pas, j'ai pas la sensation qu'on vient avec l'envie aussi de montrer que le rire, que c'est d'abord, c'est très nécessaire, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voyez, vous ou d'autres, aller expliquer et faire rire, surtout les élèves de l'éducation nationale? Je pense que le rire, il doit pas être imposé. Le rire, c'est ce qui est un peu interdit, on ne rit que de choses taboues, etc. Donc, c'est pas de la culture qu'il faut imposer, c'est... Non. Je comprends. Les gens disent, oh, c'est fou. Au Festival de Cannes, il n'y a pas assez de comédie. Au César, on ne récompense pas assez les comédies. On est déjà, si on fait rire les gens, c'est les meilleures récompenses. Donc, il faut rester à part. Et le rire, ça doit être à part. Et ça doit pas être, on va pas, je sais comme ça m'avait frappé ce film là, Le Cercle des Poètes Disparus. On apprend aux élèves à désobéir, etc. Non, il faut laisser, je dirais que au contraire, l'autorité doit être sérieuse et que il faut nous laisser, nous faire diversion, emmener les gens ailleurs, les faire. Les gens, de toute façon, ça leur plaît, donc on n'a pas besoin de leur apprendre qu'est-ce qu'on préfère dans la vie, si ce n'est rire et tout ça. Donc j'ai pas l'impression que ce soit banni. Je lisais Jacqueline Maillan qui disait on n'est jamais fier de faire rire, on a toujours un peu honte. Ben pas moi, j'ai pas honte du tout. Mais c'est considéré comme un voilà. Moi ça me plaît justement d'être à part et de pas. Alors évidemment le rire ça fait partie aussi de la société du spectacle et qu'évidemment on se rend compte que les comédies au cinéma engrangent ou pas de l'argent. Enfin bon ça provoque des et qu'il y a des gens très sérieux qui. Mais ça viendra toujours d'une petite personne avec un stylo et un papier. Ça viendra toujours de là et ça s'explique pas. Je pense qu'il y a des recettes pour faire pleurer. Qu'on connaît, mais pour faire rire, il y en a pas, c'est très très intime. Donc, je sais pas comment dire, je pense pas enfin voilà, moi ça me fait marrer quand je vois école du rire, ou je pense pas que ça s'apprenne, je pense pas qu'il faut l'officialiser, c'est, on rit parce qu'on n'a pas le droit de rire, c'est toujours ça. Donc moi, c'est ce que j'essaie de montrer au public. C'est l'intimité, c'est tout à fait, il y a que l'intimité qui m'intéresse, donc j'essaie de montrer aux gens l'intimité de tas de trucs, que ce soit la cuisine des Chirac en 79 ou de l'intimité de tous les personnages que je joue. Et les gens rient parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'on dit des choses gênantes qui doivent normalement pas être dites et qui sont, voilà, mais c'est pas forcément, je parle pas de trucs forcément scabreux, etc. Mais, par exemple, ce personnage de fille qui est sur la plage et qui n'aime plus son mari, c'est une chose, je pense que des tas de gens s'emmerdent en couple et c'est un peu tabou, mais c'est amusant d'en parler, de rire avec ça. Valérie Le Mercier, pour vous, le rire est subversif et en dehors d'un système. Oui, ah oui, mais sinon c'est pas la peine. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man cub. And stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I want to be like you. I want to walk like you, talk like you. You see it's true. An ape like me can learn to be human too. What? here's your part of the deal, cuz. Lay the secret on me, a man's red fire. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Valérie Le Mercier, c'est votre choix. Oui, c'est mon livre de chevet, mon disque de chevet, pardon. Jungle Book, la version originale du livre de la jungle. Voilà, je trouve que c'est merveilleux de bout en bout. C'est drôle, c'est beau, c'est inventif. Je trouve que les bandes originales de certains films de Walt Disney, de cette époque en tout cas, sont voilà, c'est génial. Voilà, ils ont fait appel aux plus grands. Ils ont, je sais pas, c'est d'abord c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Je m'en lasse pas. Je pense que c'est des disques que j'écoute tout le temps. Alors Valérie, vous parlez du cinéma, donc en tant que réalisatrice, vous avez fait aussi ce film que j'ai pas vu. Je n'ai pas vu le dernier. Donc voilà, mais vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez joué au théâtre. Vous êtes césarisée, vous êtes moliérisée. Vous avez eu plusieurs Césars donc et plusieurs Molières aussi pour vos spectacles. Et vous avez aussi accepté de présenter la cérémonie des Césars et en véritable animatrice. Parce que vraiment, donner la vie à cette cérémonie, bon, qui est sans doute nécessaire, voilà, enfin, apporter une véritable vie. Alors évidemment, il y a eu cette, il y a plein de choses qui se passent au César. Ça doit être compliqué d'ailleurs, non, par rapport à la manière dont ça s'organise, non? Ben non, justement, parce que c'est cadré, il y a 20 Césars ou 22, je sais plus, à remettre. Donc voilà, et puis après, autour de ça, si on peut y mettre un peu de soi et un peu de conneries qui nous font rire, nous, on le fait. Donc voilà, c'est... Moi, j'aime bien, ça a un côté officiel, et en même temps, finalement, on a le droit de sortir du... Je pense que c'est du spectacle aussi, il faut le voir oui, comme ça. Oui, c'est du spectacle, oui, bien sûr. Et si c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très amusant à faire, et donc, voilà, je me suis dit, voilà, soyons, oui, en effet, animatrices, comme un rôle à jouer. Parce qu'en fait, il y a souvent, lors des Césars, il y a... Bon, généralement, c'est d'ailleurs sans doute nécessaire. Le rappel de Pascal Ferrand, il y a vraiment un vrai, presque plaidoyer pour le cinéma, d'auteurs et autres. Donc après, c'est quand même pas toujours facile d'enchaîner mais après si, ça. Justement, parce que c'est bien le cinéma. Et en France, on a tout style de cinéma. Donc, il y a la place pour tout le monde. Et au César, il y a la place pour tout le monde. Et en général, c'est pas les gros blockbusters qui les gagnent, c'est César. Et tant mieux, c'est plutôt... C'est plutôt les films comme cette année-là avec l'amant de Lady Chatterley, qui voilà, qui en a raflé plusieurs. Donc au César, c'est mélangé, c'est comme c'est un côté familial avec le cousin comme ça, la tante. C'est un côté, c'est marrant de. Et si on peut rendre ça léger et rendre ça être un spectacle et pas un pinceau, un truc. Mais Gad Elmaleh l'a fait avant moi. Je veux dire, plein de gens l'ont fait de façon amusante. Et voilà, faut que ce soit le. Voilà, et les gens s'ils peuvent rire en plus, tant mieux, parce que c'est. Sinon, ça peut être ennuyeux. Oui, enfin, en même temps, oui, d'autres l'ont fait, et bien. Mais en même temps, personne n'a dansé, quoi. Vous avez fait quand même Rabbi Jacob, c'était quand même assez impressionnant. Ben, c'était le. C'était même pas mon idée, c'était parce que c'était l'année du décès de Gérard Oury, et que, évidemment, que j'admire beaucoup. Et voilà, et on s'était dit, plutôt que de pleurer, allons faire un truc qui est dans son film. C'est tellement génial, ce truc. Donc, on, voilà, on a un peu répété. Il se trouve qu'en plus, j'étais en train de m'entraîner 4 heures par jour pour faire le film de Châtillaise, pour faire Agathe Cléry. Donc, j'étais entourée de danseurs et j'étais donc, voilà, donc ça s'est fait facilement. Et à quoi vous pensez avec en évoquant quelqu'un comme Louis de Funès, par exemple? Ben, j'adore, il m'amuse, il me fait rire. Je suis plus, si on veut, parce qu'on n'a pas à comparer. Moi, petite, c'était Bourvil qui était mon idole et Michel Simon. Voilà, je me dis quelle chance d'avoir eu un acteur comme ça. Et d'ailleurs, voilà, il continue à nous amuser encore. Voilà, donc c'est bien. Est-ce que vous pensez là à des maintenant il y a ce film Palais Royal qui a été un succès formidable, extrêmement drôle. Enfin bon, tout le monde a vu ce film. Je sais plus combien de millions d'entrées vous m'avez dit tout à l'heure. 2,8 millions, mais enfin ça reste. 10 fois moins ou je sais pas quoi que les Ch'tis. Enfin, c'est pas non plus un énorme. Voilà, c'est bien, c'est un enfin, bon. 2 millions de personnes. 2,8 millions, voilà. 2,8 millions, oui, 2,8 millions, voilà. Et puis aussi Fauteuil d'orchestre. Alors Fauteuil d'orchestre, alors faire Simone de Beauvoir, c'est votre rêve dans ce film. Ouais. Et je dois dire que vous avez tourné d'ailleurs avec Sidney Pollack. Vous avez d'ailleurs tourné aussi avec lui en tant qu'actrice, je crois. Oui, oui. Alors ça, c'est absolument extraordinaire parce que à la fois on imagine Simone de Beauvoir, je sais pas comment vous dire, on imagine Simone de Beauvoir, la coiffure quand vous arrivez devant lui, comme ce qu'il vous regarde absolument sidéré, il est merveilleux lui aussi. Mais il est formidable, oui. Il est vraiment formidable, ouais. Ça, c'est la drôlerie même. Bon. Alors voilà, donc c'est vraiment un moment formidable aussi, on a déjà dit. Mais j'ai eu la chance d'avoir ce beau rôle parce que je l'ai lu, quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite vu que le rôle était drôle, qu'il était drôle et touchant, et voilà, que c'était un. C'est un beau personnage que m'a donné Daniel, vraiment. Mais drôle, touchant et sincère. Mais oui, de toute façon, il n'y a pas de drôlerie sans sincérité. Ça n'existe pas. Ah, vous croyez? Mais je suis sûre, le comique, c'est l'excès de sincérité. Et puisqu'on parlait de Louis de Funès, d'accord, il en faisait des caisses, etc. Mais si c'était pas sincère, il recommençait. Il dit, ça va pas, c'était pas sincère. Et on peut en faire des caisses, comme on dit, des tonnes chargées de la mule, je sais pas ce qu'on dit, mais à condition d'être sincère. Si c'est pas sincère, ça ne marche pas. Le rire, ça n'est que l'excès de sincérité. Je veux pas croire que des trucs pas sincères fassent rire. Je crois pas. Enfin, ou bien, pas moi, en tout cas, mais. Valérie Mercier, vous choisissez à chaque fois des lieux de théâtre formidables. La Folie Bergère, Palace, il y a eu Théâtre de Paris, Palais Royal. Bon. Bon, moi, je me pose la question par rapport à tout ce que vous dites sur le rire, sur le fait d'être en dehors, de pas être. Est-ce qu'un jour, vous accepteriez le Zénith ou. Mais je vais aller en faire, je pars en tournée là. Je fais le Zénith à Paris, moi, parce que ça veut dire que. Non. Pardon, excusez-moi, je vous interromps là. Le Zénith, vous allez le faire forcément. Je vais faire des Zéniths en province. En province. Mais vous feriez le Zénith à Paris? Non, je crois pas, non. C'est ça, parce qu'il y a d'autres salles, c'est ça? Bah oui, je préférerais. Alors après, le problème, c'est que je peux pas. Il n'y a pas tant de salles que ça, je sais pas. Il y en a encore plein que j'ai pas faites, mais il se trouve que chaque spectacle est différent et dans un lieu différent. C'est d'ailleurs chaque titre de spectacle a le lieu de la salle et c'est. Oui. Et c'est voilà, j'ai adoré jouer aux Folies Bergères. J'aurais presque eu envie, mais je me suis dit, je vais pas retourner au même endroit. C'est bien de changer. Jouer à Paris, c'est jouer dans Paris. Pour moi, c'est aller à pied au théâtre, c'est être. Je pense qu'on peut pas l'hiver, en tout cas, on peut. C'est pour ça que je suis parfois un peu désemparée vers 20h le soir quand je joue pas. Pour moi, ma place, elle est en tout cas les soirs d'hiver, elle est sur scène. Bon, vous êtes actrice, on a dit évidemment chanteuse, vous avez également chanté. Comédie musicale, vous pensez à la comédie musicale? Bah, j'ai fait celle d'Étienne, Châtilliaise, c'est une comédie musicale, oui, Agathe Cléry. Oui, Agathe Cléry, bien sûr, mais je veux dire, une comédie musicale dans un théâtre où vous joueriez pendant plusieurs mois, ça vous ferait pas? Je pense pas à ça, non. Je pensais l'autre jour à une scène d'une comédie musicale qui m'amuserait, c'est que chaque personnage sorte un micro de sa poche et se mette à chanter. C'est tellement faux, de toute façon, de se mettre à chanter comme ça, que le film s'arrête et qu'on ait 3 minutes de chanson, qu'autant, je me disais, autant aller à fond dans le côté, et on prend un micro dans son sac à main, chaque personnage se met à chanter avec un micro. C'est une image qui me fait rire, mais après, je sais pas si j'en ferai quelque chose, et je sais pas si un jour... Moi, j'aime bien ce qui a l'air d'être du reportage et qui a l'air très, très, très volé. Voilà, donc la comédie musicale est le contraire de ça, mais j'aime ça aussi dans le sens où c'est tout faux, et j'aime bien aussi ce genre de choses où on arrive tout à coup à, et il y a ces scènes-là d'ailleurs dans le film d'Étienne, tout à coup dans une cafétéria il y a je sais pas 100 personnes qui se mettent à danser tous ensemble, c'est magique pour moi, mais c'est un peu le contraire de ce que je fais, où moi j'aime montrer les coulisses, l'intimité, ce qui devrait pas être montré et ce qui a l'air d'être très quotidien, voilà, donc c'est mais en tant que spectatrice, je suis bien sûr folle de toutes les comédies musicales de Jacques Demy et de plein d'autres. Hein, mais là, pour le coup, les comédies musicales de Jacques Demy, d'un seul coup, tu pues l'essence, ou tu sens l'essence, ou tu pues l'essence, elle dit pas ça. Ouais. Mais quand elle dit « Ah, tu sens l'essence », c'est quand même ou d'une poésie incroyable, ou vraiment, on dit, mais là, pour le coup, on se demande pourquoi, d'un seul coup, elle se met à chanter, quoi, si vous voulez, ce qui est beau. Oui, ouais, c'est très beau. Alors, tout à l'heure, on a parlé, Valérie Lemercier, vous avez évoqué l'importance du texte, d'être actrice et autres. On n'a pas parlé du corps, en fait. Et vous citez, d'ailleurs, Louis Jouvet, qui dit « Tout est suspect, sauf le corps et ses sensations ». Et moi, je me mets en relation avec Martha Graham, qui est une célèbre pionnière de danse moderne, et qui dit, elle, « Le corps ne ment pas ». Mais c'est vrai. Tout nous le dit. Tout nous le dit, même les rencontres, si ça marche pas, si les corps s'entendent pas, ça se voit tout de suite. On est tout le temps, il faut écouter son corps, ne pas, et surtout l'intégrer en permanence. C'est-à-dire que les gens, ils s'occupent de leur corps, on va dire 3 heures par semaine, et c'est un temps pour le corps, et le reste du temps, c'est tout le temps, c'est toute la journée. C'est pas, non pas qu'il faille s'en occuper, mais qu'il faut l'écouter. Et les gens l'écoutent une fois de temps en temps et ne se rendent pas compte que être malade, c'est le corps qui vous parle. Tout ça et quand on est effrayé par quelqu'un et qu'on a peur et quand on est amoureux et quand on est, il n'y a que le corps qui vous parle de vous en fait. Enfin, je sais pas. Et par exemple, moi, quand je joue mes personnages, je n'y pense même pas, mais c'est quasiment le corps qui m'emmène vers eux, qui je réfléchis pas, mais je bouge pas de la même façon d'un personnage à l'autre, et c'est lui qui me guide. Alors le texte, le corps vous guide, elle est très loin. Merci Valérie. Merci beaucoup. Pensez-vous était proposé par Brigitte Lefèvre avec le concours d'Anne-Catherine Lechard, Valérie Lavalard et Didier Lagarde. Cette émission a été diffusée la première fois le 21 février 2009 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.